إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، لا زال حديثنا متواصلا مع موضوع الوهابية، لأن بعضهم يثير غضب بعض الآباء ضد أبنائهم بقولهم احذر أولادك يخالطون الوهابيين بمعنى الإرهابيين، فدفاعا عن هذه الدعوة المباركة، دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، التي ما هي إلا امتداد لدعوة السلف الصالح، دعوة الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة، نتطرق لتصحيح خطأ تاريخي حول هذا المصطلح. وبما أن الذين يحذرون ويحذرون من هذه الدعوة في مدينة مونبوليو من شمال إفريقيا، سنتطرق في كشف باطلهم من مقدمة رسالة طبعت بمدينة تطوان ومستندها مراجع مغربية معترف بها، فنسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه وأن ينفع به. شفاهنا الله عز وجل. notre discussion continue autour du sujet de l'Wahhabiyya, car certains attisent la colère de certains parents contre leurs enfants en disant que leurs enfants fréquentent les wahhabites. C'est-à-dire, ils veulent par ça les terroristes. Pour défendre cette da'wa bini min Allah azza wa jal, qui est la da'wa de Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmatullah alayh, le rénovateur du 12e siècle, sa da'wa n'est qu'une continuité de la da'wa de nos plusieurs d'Allah alayhim, qui est la da'wa, l'appel vers le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu salam, avec la compréhension de ne plus être d'Allah alayhi. Et pour authentifier cette les mauvaises définitions qu'a ce terme le wahhabiyya, parce et vu que ceux qui avertissent contre le wahhabiyya et ceux qui reçoivent l'avertissement sont du nord, d'Afrique du Nord, nous allons dévoiler et dissiper le nuage des ambiguïtés à partir de l'introduction d'un fascicule qui a été édité au Maroc à Tétouan et dont les références sont des références marocaines qui sont reconnues. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que notre acte soit sincère pour Allah et qu'il soit bénéfique pour les gens. يقول صاحب رسالة تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية وهو الدكتور محمد بن سعد شويعر، فقد كنت أخرجت كتابا صغيرا باسم تصحيح خطأ تاريخ حول الوهابية يقع في 110 صفحات تقريبا، وطبع للمرة الأولى بتطوان بالمغرب عام 1407 للهجرة، وطبعته دار المعارف بالرياض الطبعة الثانية عام 1413. أوضحت فيه بأن خصوم دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وأعداء دين الله الحق من أرباب المصالح الدنيوية، ممن يريد إطفاء نور الله والتصدي لمن يريد أن يحقق التوحيد الذي أمر به الله وأرسل به رسله من أولهم إلى آخرهم، دعوة وتطبيقا وتنقية من مداخل الشرك. Celui qui a écrit cette risala qui est authentification d'une donnée historique autour du terme le Wahhabiyya, c'est le docteur Mohamed bin Saad Chouéar. Il dit, pour la cause de la cause qui l'a poussé, qui l'a amené à écrire ce livre, il dit, j'ai édité un petit livre au nom de authentification d'une erreur historique autour du de l'Wahhabiyya. Et ce livre, il est dans 110 pages. Il a été édité pour la première fois à Tétouan, au nord du Maroc, en 1407 de l'Hégire. Après, Dar al-Ma'arif à Riyad l'a édité une deuxième édition en 1413. Dans ce livre, j'ai fait apparaître que les ennemis de Cheikh Mohamed Abdelwahab et de la da'wa de Cheikh Mohamed Abdelwahab, rahmatullahi alayhi, et les ennemis de cette religion, parmi ceux qui ont des intérêts de ce bas monde, veulent éteindre la lumière d'Allah Azza wa Jal et veulent attaquer ceux qui veulent accomplir l'unicité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'accomplir et avec laquelle il a envoyé les messagers alayhi salatu salam du premier jusqu'au dernier. Ceux qui veulent accomplir cette unicité au niveau de la da'wa, au niveau de la mise en application et aussi de nettoyer l'unicité de toute forme d'associationnisme. فيقول رحمه الله فوجدوا دعوة خارجية إباضية في شمال إفريقيا نشأت في القرن الثاني الهجري باسم الوهابية نسبة إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الخارجي الإباضي ووجدوا فتاوى من علماء المغرب والأندلس ممن عاصرها أو جاء بعدها فأرادوا شيئا عاجلا يحقق الغرض وينهض الهمم لإسكات الدعوة الجديدة خوفا من توسع الدائرة الإسلامية حيث قامت الدولة السعودية الأولى مناصرة للدعوة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فتصافحت يد الإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى في عام 1157 للهجرة على القيام بهذه الدعوة نصرة لدين الله وأداء لأمانة التبليغ. Et ces ennemis de cette da'wa ont trouvé une da'wa d'El Khawarij Ibadiyya qui existait en Afrique du Nord, qui est née au 12e siècle de l'Hégire, au 2e siècle de l'Hégire, au nom du Wahhabiyya, par appartenance à Abd al-Wahhab, ibn Abd al-Rahman, ibn Rustum al-Khariji al-Ibadi, le Kharijit Ibadi. Ils ont trouvé dans les verdicts des hommes de science du Maroc et de l'Andalousie qui étaient les contemporains de cette da'wa, et ceux qui sont venus après, ils ont trouvé des fatwas contre cette da'wa, Ibadiyya. Ils voulaient quelque chose de très vite, qui va accomplir le but qu'ils voulaient, et qui va pousser les gens à se lever contre la da'wa de Mohamed bin Abd al-Wahhab, par peur qu'il ne se propage à travers le monde musulman, puisque déjà c'est accompli par cette da'wa, le premier état saoudien, qui s'est accompli en faisant triompher la da'wa de Mohamed bin Abdelhab, rahmatullah alayhi, puisque l'imam Mohamed bin Abdelhab, l'émir Mohamed bin Saoud et l'émir Mohamed bin Saoud se sont donné la main en 1157 pour accomplir cette da'wa, pour faire triompher la religion d'Allah Azza wa Jal et pour transmettre la religion d'Allah Azza wa Jal. فوفق الله عز وجل ولقيت الدعوة قبولا وتأييدا حيث امتدت إلى العالم الإسلامي كله وتأثر بها العلماء من الحجاج وبدأوا في نشرها في بلادهم. الله سبحانه وتعالى accompli cette da'wa. Et cette da'wa de Mohamed bin Abd al-Wahhab avec l'émir Mohamed bin Saoud a trouvé une acceptation et une aide et des supports. Et puisqu'il s'est propagé à travers le monde musulman, beaucoup de savants ont été influencés par cette da'wa et beaucoup de pèlerins aussi ont été influencés par cette da'wa. Ils ont pris cette da'wa et ils ont commencé à la propager dans leur pays. فخاف المنتفعون دنيويا من آثارها وجدوا الضالة في الوهابية الرسطومية المدفون خبرها في سجلات التاريخ فنبشوا في فتوى العلماء حولها وكانت فرصة بإلباس الثوب القديم للدعوة الجديدة. Et ceux qui tiraient des bénéfices ont peur pour leurs bénéfices qu'ils tiraient, ont peur de l'impact de cette da'wa. Ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient dans le wahhabisme rostomite, dans le wahhabia rostomia, dans les nouvelles sont enterrées dans les manuscrits de l'histoire. Ils ont été déterrés. Les verdicts des hommes de science autour de ce wahhabisme rostomite. Ils ont trouvé une occasion pour habiller l'ancien tissu à la nouvelle da'wa de Mohammed Ibn Abdelhab. Pour habiller le tissu ancien du wahhabisme rostomite à la da'wa de Mohammed Ibn Abdelhab, rahmatullahi alayhi. وجدت الإشاعة صدرا في النفوس لأن أرباب المنافع الدنيوية جهدوا في التمويه والتشويه. والناس عادة يتلقفون الكذب أكثر من اهتمامهم وتحريهم للصدق ولذا فإن للإشاعة دورا كبيرا في تغيير المفاهيم ووضع تصورات تغير الواقع بحسن نية أو سوء فهم إلى بروباغوند أتروفي إن إكوت كار ceux qui avaient des intérêts dans ce bas monde ont mis tous leurs efforts pour défigurer la da'wa de Mohammed ibn Abdelhab, rahmatullah alayh. Tout ce qui est dans leurs possibilités, tout ce qui a comme mensonge, ils l'ont inventé. Et d'habitude, les gens acceptent le mensonge sans chercher à l'authentifier. Et ainsi, la propagande joue un rôle très important dans le changement des définitions. Et ces propagandes aussi changent la réalité, l'image de la réalité. Que ce soit qu'on le fasse avec une bonne intention ou là avec une mauvaise intention ou là avec une mauvaise compréhension. وفي حدود عام 1407 كان نقاش علمي مع أحد علماء المغرب حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه حقق نتيجة مرضية وصحح مفهوما تاريخيا سائدا وقد رغب إلي أكثر من أخ كريم ذكر سبب تأليف تلك الرسالة كتابيا حيث ذكرتها لهم شفويا لأنها أمكن في البلاغ ويطلع عليها أكبر عدد ممكن حيث تبقى حية لمن يريدها واستجابة لذلك أقول إيه أولون 1407 de l'Égypte, j'ai eu un débat scientifique avec un certain nombre de savants marocains autour de la da'wa de Mohammed ibn Abdelwahab, rahmatullahi alayh. Et ce débat a eu un bon résultat. Et il a authentifié une définition historique qui était monnaie courante. Et beaucoup de gens m'ont demandé d'écrire la cause pour laquelle ce livre a été écrit, puisque je l'avais rencontré comme ça en parole, en discussion, je leur ai conté comment ça s'est passé, comment le livre a vu le jour. Et ils ont dit il faut écrire la cause qui a fait naître ce livre, pour que beaucoup de personnes puissent l'avoir en tête et que cette cause reste vivante. واستجابة لذلك أقول قد يكون من المناسب الاشتراك مع القارئ في السبب الذي من أجله كتبت تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية لأن الله قد جعل لكل شيء سببا فكان هذا الحوار الذي تولد عنه النقاش العلمي المقنع والحوار الهادئ المثمر هو السبب المباشر لكتابة هذه الرسالة. Et le Cheikh Rahmat Hafidahullah de dire peut-être que la cause qui a amené à écrire ce livre, Authentification des données historiques autour d'Yel Wahhabiya, peut-être que de faire connaître la cause au lecteur, ceci, car Allah subhanahu wa ta'ala a fait que toute chose a une cause, ceci pourra être bénéfique. Et il y a eu ce débat qui a donner naissance à cette à cette discussion scientifique convaincante et ce débat calme qui a donné son fruit était à la cause directe de l'écriture de ce livre. ففي عام 1407 هجرية كنت في مهمة لموريتانيا ثم عرجنا على السنغال وقد كان خط سير الطيران ملزما لنا بالبقاء في المملكة المغربية ستة أيام. Au nom 1407 de l'Égypte, et cher de dire, j'étais pour une fonction, pour une mission en Mauritanie. Et nous sommes allés aussi au Sénégal, et la ligne des vols passait par le nord du Maroc. Et nous étions obligés de rester dans le royaume du Maroc 6 jours. وفي أحد الأيام كنت في ضيافة أحد الأساتذة بإحدى الجامعات هناك. وأرمز له بالدكتور عبد الله وفي جلسة بمكتبته دارت أحاديث شتى ومن محبته للمملكة وحضوره مؤتمرات عديدة بها طرح علي هذا السؤال أمام الحاضرين وعددهم يقارب 12 شيخا من فضلاء البلاد هناك. Un jour, j'étais invité par un prof de certaines universités là-bas, c'est-à-dire à Tétouan, et je le désigne par le terme le docteur Abdullah. Et quand on était dans la maktaba du docteur Abdullah, il y a eu beaucoup de discussions. Parce que le docteur Abdullah aimait beaucoup le royaume d'Arabie Saoudite et qu'il est venu à plusieurs congrès là-bas, il m'a posé cette question devant ceux qui étaient présents. Et ils étaient une douzaine de cheikhs parmi les nobles du pays. قال الدكتور عبد الله إننا نحب المملكة ونفوس المسلمين وقلوبهم تهفو إليها وبيننا وبينكم تقارب كبير وتفاهم بين القيادات وإعجاب بما يؤدي حكام وعلماء المملكة من جهود مخلصة للإسلام والمسلمين ولكن حبذا لو تركتم المذهب الوهابي الذي فرق بين المسلمين. إلى دي الدكتور عبد الله دي نزيمون بوكو العربية السعودية. Et les cœurs des musulmans sont toujours envie d'aller en Arabie Saoudite. Il y a entre nous et vous une grande compréhension et un grand rapprochement, une grande compréhension entre les gouverneurs. Et nous aimons beaucoup ce que font les gouverneurs de votre pays ainsi que les savants de l'Arabie Saoudite, tous les efforts qu'ils en font pour l'islam et pour les musulmans. Mais si vous délaissez le madhhab al-wahhabi, qui a divisé les musulmans, mais si vous délaissez le madhhab al-wahhabi, qui a divisé les musulmans. فأجبته قد يكون علق بالذهن معلومة خاطئة مأخوذة من غير مصدرها السليم ولكن حتى تلتقي المفاهيم نحب أن نطرح الموضوع بحضور الإخوة للنقاش العلمي المقرون بالبراهين ثم قلت. Et Dr Chouar lui répond, peut-être que dans ton esprit, il y a une donnée fausse qui a été prise d'une source qui n'est pas saine. Et pour que se rencontrent nos compréhensions, nous allons exposer le sujet devant les frères pour un débat scientifique accompagné de preuves. Et cher Chouar de dire, « Ouyakoul, Dr Chouar, tu m'akoult, walamma kana kullu insan tartahu nafsuhu » ويطمئن قلبه لما ألفه علماء بلده فإنني في هذا الحوار لن أخرج عما في محتويات هذه المكتبة التي تضمن جدرانها الأربعة لأنك كما تراني الآن لا أحمل كتبا ولم يخطر ببالي مثل هذا النقاش. الشيخ شوارد دير et comme tout être humain et qui est, il trouve de l'attitude à ce qu'ont écrit les savants de son pays. Pour ce débat, je ne vais pas sortir des livres qui sont contenus dans cette librairie. Et rappelons-nous qu'ils sont toujours dans la maktaba, dans la bibliothèque de Dr Abdullah à Tétouan. Et Cheikh Abdullah, Cheikh Chouar de dire à Cheikh Abdullah, comme tu vois, je n'ai pas amené avec moi des livres. Il ne m'est pas arrivé à l'esprit que je vais avoir un débat pareil. ولذا قبل أن نبدأ أرجو أن يكون نقاشنا بعيدا عن التعصب والانفعال أو طرح الآراء بدون دليل مقنع يعول عليه، لأن نجدان الحقيقة هو هدفنا، والامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هو غايتنا، ونصرة دين الله هو المؤمل من كل منا. الشيخ شوار دو دير سي بور سا افون دو كومونسي جو فو كو نوتر ديبا سوا لوان دو سيكتاريزم اي لوان دو لونتوزيازم اي كو سوا اكسبوزي لي اوبينيون افيك بروف كونفانكونت كار La vérité, c'est notre but. Et se soumettre aux ordres d'Allah Azza wa Jal et aux ordres de son messager, c'est notre but. Faire triompher la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est ce que nous voulons et ce qui nous est demandé. Qala uwafiquka ala hada wa ashabu al-fadilati al-mashayikh hum al-hakum baynana. Et le docteur Abdullah a dit, je suis d'accord avec toi et les mashayikh qui sont présents sont les juges entre nous. قلت رضيت بذلك وبعد التوكل على الله ارجو ان تطرح اي مدخل للحوار اي شو عارف دو دير جاكسبت اي après avoir après cet appui sur Allah azza wa jal pose la question que tu veux pour rentrer dans ce débat. قال خذ مثلا ما ذكره الونشريس في كتابه المعيار الجزء الحادي عشر وهو قوله سئل اللخمي عن أهل بلد بنى عندهم الوهابيون مسجدا ما حكم الصلاة فيه وللمعلومية فإن كتاب المعيار هذا هو كتاب يجمع الفتاوى في الفقه المالكي جمعه أحمد بن محمد الونشريسي وطبع في 13 مجلدا وقد طبعته الحكومة المغربية وتوزع منه نسخ عن طريق الإهداء. Et Dr. Abdullah de dire, prend comme exemple ce qu'a cité Wanchari ici dans son livre Le Mi'yar, le 11e tome. Il dit, Lakhmi, on a posé la question à Lakhmi, certains gens habitant certains pays, les Wahhabites sont venus chez eux, ils ont construit une mosquée. C'est quoi le jugement d'Allah Azza wa Jal pour la prière dans cette mosquée? Et pour l'information, le livre Al-Mi'yar, c'est un livre qui réunit les verdicts dans la jurisprudence malikite. Mohamed Louanchérissi l'a réuni en 13 tomes. Et l'État marocain l'a édité et il le donne en cadeau. Il le donne en cadeau. Il le distribue. L'État marocain le distribue. بعد طرح السؤال وإحضار الكتاب المذكور الجزء الحادي عشر أجبته بأن الفتوى على هذا السؤال صحيحة ونوافق اللخمي على ما جاء في فتواه. Après que Dr. Abdullah ait posé la question et après qu'il ait ramené le livre, le 11e tome dont il s'agit ici, qui est concerné ici, dans lequel se trouve ce verdict, Cheikh Chouaïr lui dit, le verdict qui est donné dans ce livre est vrai. Et nous sommes d'accord avec l'Akhmi dans la fatwa qu'il a donnée. Qui est le fait, la fatwa, qu'il faut détruire cette mosquée. قال الدكتور عبد الله إذا اتفقنا على هذه الفرقة وخطأ ما تسير عليه خاصة وأن المفتي قال هذه فرقة خارجية ضالة كافرة قطع الله دابرها من الأرض يجب هدم المسجد وإبعادهم عن ديار المسلمين. الدكتور عبد الله الذي نصم داكور maintenant pour ce groupe et l'erreur sur laquelle la ligne sur laquelle il marche et que c'est une mauvaise ligne qu'a pris ce groupe. Surtout que le Mufti a dit que c'est un groupe kharijite, égaré, mécréant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur les anéantisse de la terre, et qu'il est obligatoire de détruire la mosquée et de les éloigner du pays de l'islam. Qala al-Sheikh Chouaïr, lam nattafiq ba'd. ولا زلنا في بداية الحوار ولعلمك فإن هذه الفتوى لها نظائر كثيرة قبل اللخم وبعده، موجودة لدى علماء الأندلس وفقهاء شمال إفريقيا، وهي مستمدة من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج الذين قاتلهم علي ورضي الله عنه في النهروان. إيه شيخ الدكتور شوير دو ريبوند؟ Nous sommes pas mis d'accord encore. Nous sommes au début du débat. Et pour que tu saches que ce verdict, il y en a beaucoup avant l'Akhmi et après l'Akhmi. Beaucoup de verdicts dans ce qui vont dans ce sens-là sont, on les retrouve, c'est les hommes de science d'Andalousie et c'est les jurisconsultes d'Afrique du Nord. Ils trouvent leur source dans le jugement que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a donné sur le Khawarij, que Ali radiallahu anhu a combattu pendant la bataille de Nahrawan. Wa fi niqashina hada. سوف نصل بإذن الله إلى تصحيح المفهوم التاريخي بين ما تعنيه هذه الفرقة الفرقة التي أفتى علماء الإسلام في الأندلس وشمال إفريقيا بشأنها وبين التسمية التي ألصقت وصفا مستهجنا بدعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله التصحيحية. هذا التصحيح لن يكون مقنعا إلا بقراء وبراهين مرضية عندكم، لأن رائدنا جميعا الوصول إلى الحقيقة لذات الحقيقة، والرأي الهادئ المقنع هو الذي تنجلي به الغشاوة وتصحح به المفاهيم. إذن notre débat du Cheikh Chouaer, nous allons arriver avec l'aide d'Allah Azza wa Jal à authentifier cette donnée historique et la signification de ce groupe qui a reçu ces verdicts des hommes de science, des savants de l'islam en Andalousie, en Afrique du Nord, et faire la différence entre ce nom qui a été collé injustement et pour dénigrer la da'wah de Mohammed ibn Abdelwahab, rahmatullahi alayhi, qui est une da'wah d'authentification. Et cette authentification de cette donnée historique ne sera convaincante que s'il est accompagné de preuves qui sont agréées de vous. Car ce que nous voulons, c'est arriver à la vérité. Pour la vérité. Et l'opinion calme, convaincant, c'est avec l'opinion calme et convaincant avec lequel le nuage va se dissiper et la compréhension va se tortifier. Et la définition va se corriger. قلت سترون إن شاء الله ما ينير الطريق لمن يريد الوصول للرأي الصائب في استجلاء الأمر، ولهذا نبدأ بما لدينا من أجزاء المعيار. Et Cheikh Chouaer de dire, vous allez voir, inshallah, ce qui va illuminer notre chemin pour arriver à l'opinion juste et pour nous éclairer sur cette situation. Et il dit, nous allons commencer avec les tomes que nous avons du معيار. Rappelez-vous, le معيار, c'est le recueil des verdicts. ولعلك تقرأ طرة الكتاب ليسمع الإخوة. قال تريد الفتوى حتى أقرأها أمامهم أم أبدأ بما على الغلاف الخارجي من معلومات. Tu vas nous lire, الشيخ الدكتور Chouaer, الدكتور عبد الله, tu vas nous lire ce qui est écrit sur la couverture du livre pour que les frères qui sont présents puissent écouter. Et Cheikh Abdullah de lui dire, tu veux que je lise le verdict devant tout le monde? Il a dit non. Ou que je commence avec la couverture du livre. Ce qu'il y a comme donné sur la couverture du livre. Qala Cheikh Chouaer, Hafidhahu Allah Ta'ala, bal il ghilaf al-khariji ou al-dakhili fa huma sawa. Et Cheikh Chouaer de lui demander, lis soit la couverture extérieure ou soit la première page. C'est la même chose. Fa qara'a الشيخ عبد الله الدكتور عبد الله المعيار المعرب في فتاوى أهل المغرب تأليف أحمد بن محمد الونشريسي المتوفى عام 914 للهجرة بفاس بالمغرب. الدكتور عبد الله ألو المعيار المعرب في فتاوى أهل المغرب لوتور أحمد ibn Muhammad al-Wansharisi, mort en l'an 914 de l'Hégire, à Fès, au Maroc. قلت لأكبر المشايخ سنا وهو شيخ وقور هادئ الطبع اسمه أحمد يا شيخ أحمد، سجل تاريخ وفاة المؤلف أحمد الونشريسي، فرصد ذلك عام 914 للهجرة. Et cherchez-vous à de dire à la personne la plus âgée dans l'assemblée qui est un vieux sage, calme, qui s'appelle Ahmed, lui a dit à Cheikh Ahmed, écris la date de la mort de l'auteur du Mi'yar, Ahmed Louanchérissi. Et il a marqué Ahmed Louanchérissi, mort en l'an 914 de l'Hégire. ثم قلت هل من الممكن إحضار ترجمة اللخمي؟ قال نعم. ثم قام إلى رف من رفوف المكتبة فأحضر جزءا من أحد كتب التراجم وفيه ترجمة علي بن محمد اللخمي مفتي الأندلس وشمال إفريقيا، والترجمة طويلة وفيها ثناء عليه وعلى علمه، فقلت إن بيت القصيد في نهاية الترجمة، فمتى توفي؟ قال القارئ وتوفي عام 478 للهجرة. فقلت للسيد أحمد أكتب تاريخ وفاة الشيخ علي اللخمي، فكتبه في عام 478 للهجرة. Après, cherche Chouar de dire, est-ce qu'il est possible de nous ramener la biographie d'Yel Lakhmi, celui qui a donné le verdict? Louanchérissi, c'est celui qui a recueilli les verdicts d'Afrique du Nord. Quant à celui qui a donné le verdict, c'est Lakhmi, rahmatullah alayh. Et il a dit oui. Et il est allé à une étagère de la bibliothèque et il a ramené un recueil des biographies. Et dans ce recueil, il y avait la biographie de Ali ibn Muhammad al-Lakhmi, le mufti d'Andalousie d'Afrique du Nord. Et la biographie était longue, il y avait des éloges sur la science de l'homme, etc. Rahmatullah alayh. Et cher Chouar de dire, le but, la preuve que je cherche, elle est dans la fin de la biographie, quand est-ce qu'il est mort? Et celui qui l'est, il lit, et il est mort. Dire Mohamed Ali ibn Mohamed al-Lakhmi est mort en 478 de l'Hégire. Et Cheikh Chouar de tourner vers Cheikh Ahmed qui, il lui dit, écrit la date de la mort de Cheikh Ali al-Lakhmi. Et il a écrit 478 devant le nom d'Yal al-Lakhmi rahmatullah alayh. Faqala le docteur Abdullah, hal tashukku fi ulama'ina wa fi fatawahum? Et le docteur Abdullah de dire, est-ce que tu mets en doute, est-ce que tu as des doutes sur nos savants? Ou là tu mets en doute leur verdict. قلت وما دليلك على هذا الشك؟ ثم التفت إلى المشايخ وقلت هل بذر مني ما يدعو إلى الشك الذي أوجبت هذا القول؟ فكان الجواب بالإجماع النفي. Et Chouard de dire, c'est quoi ta preuve pour dire que je doute? Et Chouard de se tourner vers les autres chouyoukh et leur dire, est-ce que j'ai fait quelque chose ou il y a quelque chose que j'ai dit qui fait apparaître un doute? Tout le monde a dit non. قلت ولكي أنفي الشك عني وعن علمائنا في بلدي في بلادي فإننا نحترمهم ونجلهم ونصوب كل فتوى تصدر عنهم يدعمها الدليل من الكتاب الكريم والصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الوصول إلى ما بدأنا الحديث من أجله مقرونا بما يدعمه يحتاج إلى شيء من الأناءة والصبر. Et Cheikh Chouar de continue de dire, et pour enlever tout doute de moi ainsi que des savants de mon pays, sachez que nous respectons les savants de votre pays. Et tout verdict qui vient des savants de vos pays, qui est accompagné de preuves du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam, nous le respectons. Mais pour arriver à ce que nous avons commencé, nous avons besoin de patience et d'aller doucement pour arriver à ce que nous voulons avec preuve. ومن باب استعجال الجواب أطرح على الجميع هذا السؤال: هل يمكن أن يفتي العلماء على معتقد لم يوجد صاحبه الذي ينسب المعتقد إليه بعد أو الحكم على ملة من الملل لم تظهر بعد؟ Et pour donner la réponse rapide, je pose cette question. dit Cheikh Chouaib. Est-ce que il est possible que des savants émettent un verdict sur des croyances dont le propriétaire de ce croyance n'est pas encore né, il n'existe pas encore? Ou est-ce que on peut émettre un verdict sur une voix qui n'a pas encore apparu? قالوا جميعا لا ولم يعرف هذا إلا ما جاء عنه إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من معجزات النبوة وفي الغالب يأتي بالوصف دون المسمى. Ils ont tous dit non. Et ceci n'a jamais été connu sauf ce qui nous a été rapporté comme annonce du prophète alayhi salam. Et ça fait partie des miracles de la prophétie. Et ça, en général, dans ces miracles ne vient que la description et non pas le nom. قلت موجه الكلام لمحدثي ألست تعتقد ويعتقد غيرك أن الوهابية أول من أنشأها محمد بن عبد الوهاب في نجد قال بلى et je me suis tourné vers Cheikh Abdallah dit Cheikh Chouaib et je lui pose cette question est-ce que tu ne crois pas toi et d'autres que le wahhabi est le premier qui l'a créé et qui a fait ses fondations c'est Mohammed bin Abdul Wahhab à Najd. Il a dit, certes, oui. قلت إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عندما أفتى اللخمي وغيره من علماء المالكية في الأندلس وفي الشمال الإفريقي كان أكثر من 22 من أجداده لم يولدوا بعد باعتبار أن المتوسط لكل قرن 3 جدود كما أن بين وفاة عبد الوهاب بن رستم ووفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما يقرب من 31 جداً وعلماؤكم وعلماء المسلمين لا يعلمون الغيب وننزههم عن الكهانة والسحر وعن القول في أمر لا يعلمونه يقول سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أن يبعثون. إيش شيخ شوعر دير شيخ محمد بن عبد الوهاب quand l'Akhmi a donné son verdict ainsi que d'autres savants d'Yel Malikia en Andalousie et au nord de l'Afrique, 22 de ses grands-pères ne sont pas encore nés. 22 des grands-pères de Mohammed ibn Abdul Wahhab ne sont pas encore nés. En prenant que la moyenne dans un siècle, c'est 3 grands-pères. Et en plus, il y a entre la mort d'Abdul Wahhab ibn Rustum et la mort de Mohammed ibn Abdul Wahhab 31 grands-pères. Entre la mort d'Abdul Wahhab ibn Rustum, l'Ibad al-Khariji, et Mohammed ibn Abdul Wahhab, Salafi, le rénovateur de la da'wa ila al-kitab wa sunnah, avec la compréhension des puiseurs d'Allah Alim, entre eux, il y a 31 grands-pères. Et vous savons, ainsi que les savants des musulmans, ne connaissent pas l'invisible. Et encore moins, ils ne pratiquent pas la magie, la sorcellerie. Et ils sont loin des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils ne disent pas ce qu'ils ne connaissent pas. Ils n'inventent pas ce qu'ils ne connaissent pas. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Naml, cette traduction approximative, dit, ne connaît ce qu'il y a dans les cieux et sur terre au niveau de l'invisible, sauf Allah. Il n'y a qu'Allah qui connaît l'invisible. Qala awdih akhtar. Et Cheikh Abdullah de dire, docteur Abdullah de dire, donne plus d'éclaircissement. Wa qala Cheikh Chouaib, inna Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, wulida am 1115 l'Hijra. ومات سنة 1206 للهجرة وبينه وبين أحمد الونشريس الذي ألف كتاب المعيار ونقل الفتوى عن اللخمي كما مر بنا 292 سنة وفق تاريخ الوفاة كما أن بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبين اللخمي وهو صاحب الفتوى 728 عاما وفق تاريخ الوفاة وفق ما سجل الشيخ أحمد لوفاة كل منهما ويقاس على هذا كل من أفتى من علماء الأندلس وشمال إفريقيا عن تلك الوهابية. الشيخ شوير دو دير الشيخ محمد بن عبد الوهاب il est né en l'an 1115 de l'Hégire. En l'an 1115 de l'Hégire. Et il est mort en l'an 1206 de l'Hégire. Et entre lui et Ahmed Louansharisi, qui a écrit le livre d'Al-Mi'yar, qui a recueilli les fatwas des savants malikites d'Afrique du Nord et d'Andalousie, et qui a rapporté la fatwa d'Al-Lakhmi, entre Louansharisi et Imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il y a 292 ans qui les séparent. En prenant en considération les dates de décès. Comme entre Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et Lakhmi, qui a émis le verdict et qui a donné la fatwa sur le Wahhabi al-Rostomia, il y a 728 années qui les séparent. En partant des dates de décès. Et selon ce qu'a transcrit Cheikh Ahmed, en ce qui concerne la mort de tout un chacun. Et tu fais l'analogie sur tous les savants qui ont d'Afrique du Nord et d'Andalousie qui ont parlé de l'Ouhabiyya et qui ont émis des verdicts contre l'Ouhabiyya. Qala, docteur Abdallah, hal yumkinu an tuwaddih akthar lima ta'ni bidalil muqna'. Docteur Abdallah de dire, est-ce que tu peux nous éclairer encore plus, nous donner des preuves convaincantes? Qultu, لم يهتم علماء الشمال الإفريقي والأندلس بالفتاوى عن الوهابية والتحذير منها إلا لأنها موجودة عندهم بخلاف ديار المسلمين الأخرى التي وضح فرقها الشهرستاني في كتابه الملل والنحل وابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل. Cherchouer de dire, les hommes de science d'Afrique du Nord et d'Andalousie nous se sont occupés des fatwas contre l'Ouhabiyya et d'avertir contre l'Ouhabi, c'est parce qu'il existait chez eux, contrairement aux autres pays de l'islam où il n'existait pas. Et il aura donné comme exemple, dans les autres pays de l'islam, Shahrustani a parlé dans son livre Al-Milal wal-Nihal, qui est un livre sur les groupes, il n'a pas cité le Wahhabiyya. Ibn Hazm, la même chose dans son livre concernant les groupes. Il n'y a pas dans les deux livres, Shahrustani ou Ibn Hazm, dans les livres des groupes de Shahrustani et de Ibn Hazm, il n'y a pas, on ne fait même pas allusion à le Wahhabiyya. وفي موضوعنا ألا يوجد عندك كتاب الفرق الإسلامية في شمال إفريقيا الذي ألفه الفرنسي ألفريد بيل وترجمه للغة العربية عبد الرحمن بدوي وهو جزء واحد قال ها هو موجود ثم قام وأحضره. Et un autre sujet, en ce qui nous concerne, est-ce que dans ta librairie, tu n'as pas un livre écrit par un Français, Alfred Bell, qui s'appelle « Les groupes islamiques en Afrique du Nord » et qui a été traduit par Abdelrahman Badawi, et c'est un seul tome? Il a dit oui, il est là, et il le ramène. « Qultu, falnaqra fi akhiri harf al-waw, faqara ahadum al-wahbiyatu » أو الوهابية فرقة خارجية إباضية أنشأها عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الخارجي الإباضي وسميت باسمه وهابية الذي عطل الشرائع الإسلامية وألغى الحج وحصل بينه وبين معارضي حروب إلى أن قال متوفى عام 197 للهجرة بمدينة طهارت بالشمال الإفريقي وأخبر بأن فرقته أخذت هذا الاسم لما أحدثه في المذهب من تغيرات ومعتقدات وكانوا يكرهون الشيعة قدر كراهيتهم لأهل السنة وكان الفرض هذا قد ألفريد هذا قد تحدث في كتابه المنوه عن الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى وقت المؤلف في العصر الحاضر تقريبا. الشيخ شويعر دودير. Lisons à la fin et allons chercher dans la lettre Louaou. Et un parmi les présents a lu Al-Wahbiya ou Al-Wahhabiya. Un groupe kharijite ibadite. Fondé par Abdul Wahhab, Ibn Abdul Rahman, Ibn Rustum. Al-Khariji, Al-Ibadi et il lui a été donné le nom Wahhabia. Cet homme a annulé la législation islamique et il a aussi annulé le Hajj. Et entre lui et ses opposants, il y a eu des guerres jusqu'à ce qu'il ait dit et il est mort. Et Hada Abdul Wahhab ibn Abd al-Rahman ibn Rustam est mort en 197 de l'Hégire, dans la ville de Tahart, au nord de l'Afrique. La ville de Tahart se trouve en Algérie. Il nous a annoncé, ce Alfred, dans son livre, que son groupe a pris ce nom parce qu'ils ont innové une voie nouvelle, ils ont ramené des changements et des croyances. Ils détestaient Shia, comme ils détestaient aussi les gens de la Sunna. Et Alfred a parlé aussi dans son livre de ce groupe, sur les groupes islamiques en Afrique du Nord, de la conquête arabe jusqu'à l'époque contemporaine. Encore une fois, voilà un occidental qui s'est occupé des groupes islamiques en Afrique du Nord, et il nous donne l'historique de cette Wahhabia, ou là de cette Wahhabia qui est née bien avant plusieurs siècles avant la naissance de Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahmatullah alayh. Wa Abd al-Wahhab ibn Rustam qad ikhtalafa fi tarikh wafatihi 'inda man kataba 'an wa yara az-Zarkali fi al-i'lam anna wafatahu nahwu sanat 190 lil hijra. Abd al-Wahhab ibn Rustam, il y a eu des divergences dans ceux qui ont écrit sur sa mort, dans la date de sa mort chez ceux qui ont écrit sur cet homme. Et Zarkali dans l'Ilam, il voit que la mort de Ibn Rostam, Abdullah Ibn Rostam, est en l'an 190 de l'Hégire. عند ذلك قلت له وللحاضرين هذه هي الوهابية التي فرقت بين المسلمين وصدرت بشأنها فتوى وصدرت بشأنها فتاوى من علماء وفقهاء الأندلس وشمال إفريقيا كما تجدون في كتب العقائد عندكم وهم محقون فيما قالوا عنها. À ce moment-là, je me tourne vers ceux qui étaient présents. Je dis, ça, c'est le Wahhabia qui a divisé les musulmans. Et ça, c'est le Wahhabia qui est concerné par les verdicts des hommes de science et des jurisconsultes d'Andalousie et du nord d'Afrique. Comme vous le trouvez dans les livres de vos dogmes, dans les livres d'Yel le dogme chez vous. Et ceux qui ont émis les verdicts sont en raison. Et ce qu'ils ont dit sur ce groupe, c'est la vérité. أما دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي ناصرها الإمام محمد بن سعود رحمهم الله السلفية التصحيحية فهي ضد الخوارج وأعمالهم لأنها قامت على كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذ ما يخالفهما وهم من أهل السنة والجماعة. كنت لدعوة محمد بن عبد الوهاب qui a été aidé par l'imam Mohammed ibn Saoud, rahimahumullah, cette da'wa de l'authentification, cette da'wa salafia, il est contre le khawarij, il est contre les actes d'Yal Khawarij, sur laquelle, parce que cette da'wa de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, et s'est accompli sur le livre d'Allah Azza wa Jal, et l'authentique de la sunna du prophète, alayhi salatu salam, et il a donné le dos à tout ce qui est en divergence avec, le livre d'Allah est l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu salam. Et ils font partie des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna. والشبهة التي انتشرت في بلادي في ديار الإسلام قد روجها أعداء الإسلام والمسلمين من مستعمرين أعداء الإسلام والمسلمين من مستعمرين وغيرهم لكي تبت الفرقة في صفوفهم. فقد كان المستعمرون يسيطرون على غالب العالم الإسلامي ذلك الوقت وهو وقت عنفوانهم ويعلمون من واقع حروبهم الصليبية أن عدوهم الأول في تحقيق مآربهم الإسلام الخالي من الشوائب وتمثله السلفية ووجدوا ثوبا جاهزا ألبسوا هذه الدعوة تنفيرا وتفريقا بين المسلمين لأن مبدأهم فرق تسد حيث إن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لم يخرج من ديار الشام إلى غير رجعة إلا بعد أن قضى على دولة الفاطميين العبيديين الباطنيين من مصر، ثم استقدم علماء من أهل السنة من الشام ووزعهم بالديار المصرية، فتحولت مصر من التشيع الباطني إلى منهج أهل السنة الواضح دليلا وعملا واعتقادا. L'ambiguïté qui a été propagée dans les pays de l'islam, ce sont les ennemis de l'islam et du musulman qui l'ont propagée, les colonisateurs et d'autres, pour diviser les rangs de la communauté de l'islam. Car à cette époque, le colonisateur avait la main sur la majorité des pays de l'islam. Ils étaient au sommet de leur force. Ils savent de la situation des guerres, des croisés qu'il y a eu, que leurs premiers ennemis pour arriver à leur but, c'est l'islam qui est dépouillé de toute forme d'innovation et de toute forme l'islam pur. C'est ça qui va les empêcher d'arriver à leur but. Et cet islam, son image et son représentant réel, c'est Salafia. Ils ont trouvé ce tissu prêt dans Dawad Abdelhab Norostom. Ils ont habillé ce tissu prêt à cette nouvelle da'wa, la da'wa de Mohamed ibn Abdelhab, la da'wa du livre d'Allah, la da'wa vers le livre d'Allah, Azzawajal, l'authentique de la sunna du prophète, alayhi salam, pour faire fuir les gens de cette da'wa et pour diviser les musulmans, car le point principal de l'Occident et des ennemis d'Allah, c'est diviser pour mieux régner. Et Salah Dil Ayyub, rahmatullahi alayh, il n'a pas sorti du nord de l'Arabie les croisés qu'après avoir éliminé les Fatimites, les Abdioun, les Batinioun de Mesr, après les avoir éliminés. Et après, il a ramené des savants parmi les gens de la Sunna du Sham et il les a installés en Égypte. Et Mesr a changé de visage d'un schisme batinite. Il a pris la voix des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna, qui est clair dans ses preuves, dans sa mise en pratique et dans ses croyances. فالمستعمرون خافوا من إعادة الكرة بعدما رأوا دولة التوحيد السنية التي قادها الإمامان محمد ابن عبد الوهاب ومحمد ابن سعود. ثم جاء من جاء بعدهما تتسع أعمالهما ويكثر المستجيبون لما تهدف إليه هذه الدعوة. ومعلوم لديكم أن المستعمر ما دخل بلدا إسلاميا إلا حاول إقصاء أهل السنة وتقريب أهل الأهواء والبدع، لأنهم مطيته فيما يريد عمله في ديار الإسلام. Et les colonisateurs ont peur que l'histoire ne se répète après avoir vu l'état de l'unicité et de la sunna s'accomplir avec les deux imams, Mohammed ibn Abdelhab et Mohammed ibn Saoud, et ceux qui sont venus après eux, et après que leurs actes soient propagés un petit peu partout, et qu'il y ait une réponse à cet appel vers le livre et vers la sunna. Et il est connu chez tout le monde que le colonisateur, quand il rentre dans un pays islamique, d'abord il commence par anéantir les gens de la sunna. Et combien hier ressemble à aujourd'hui. Regardez ce qui se fait actuellement en Irak. Et ils rapprochent d'eux les gens des innovations et les gens qui suivent leur passion, car c'est eux qui lui permettent de faire ce qu'il veut dans les pays de l'islam. كنت أعتقد أن هذا الجواب فيه إقناع، لكن طرأ أحدهم سؤالا قال فيه: ألا يكون محمد بن عبد الوهاب قد أخذ منهج السابقين وأحياه من جديد واتبع طريقتهم؟ Je croyais, cher Chouab, de dire, je croyais que cette réponse était convaincante. Mais voilà que quelqu'un pose cette question. Est-ce que Mohamed ibn Abdelhab n'a pas pris cette voix qu'avait Abdelrahman ibn Rostam et il l'a refait revivre à nouveau et il a suivi leur chemin? قلتوا أولا لبعد الاتصالات بين المكانين فإن المعلومات لا تصل ولم يكن لدعوة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ذكر في تاريخ الجزيرة العربية، بل كما مر بنا لم يكن لها تصنيف عند الدارسين والراصدين للملل والنحل والأهواء كالشهرستاني وابن حزم، ولا في ردود ابن تيمية، وابن رستم مات قبل هؤلاء بزمان، مما يدل على أن دعوة عبد الوهاب بن رستم الوهابية لم تتعدى الشمال الإفريقي والأندلس قبل ضياعها. الشيخ شوارد يقول premièrement le manque de moyens de communication et les distances sont tellement énormes que les données n'arrivent pas et que la da'wa de Abd al-Wahhab ibn Abd al-Rahman ibn Rustum, on n'entend même pas parler en arabie. Et comme il l'a cité auparavant, dans les livres qui ont été écrits, parmi ceux qui ont étudié les groupes, dans l'islam, comme Shahrustani, Ibn Hazm, même dans les répliques d'Ibn Taymiyyah, on ne retrouve pas de traces de cette voie qui est la voie d'Abd al-Wahhab ibn Abd al-Rahman ibn Rustum. Ibn Rustum, il est mort avant cela. Ce qui prouve que la da'wa d'Abd al-Wahhab ibn Rustum, le Wahhabiya ou le Wahhabiya, n'a pas dépassé l'Afrique du Nord et l'Andalousie avant qu'il ne soit anéanti. Taniyan, أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تختلف عن دعوة جميع الفرق المخالفة لكتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها دعوة تجديدية على منهج السلف الصالح، ولم يأتي شيء يخالف ذلك. Deuxièmement, dit Cheikh Chouar, la da'wa du Cheikh Mohamed bin Abd al-Wahhab, il est différent de toutes les autres da'wa, de la da'wa des autres groupes qui sont en divergence avec le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam. Car la da'wa du Mohamed bin Abd al-Wahhab est une da'wa de rénovation sur la voie du Puseyur d'Allah alayhim. Et il n'a rien ramené qui soit en divergence avec la voie du Puseyur radiyallahu anhum. Et il n'a rien ramené ce qui doit en divergence avec la da'wa du prophète alayhi salam et du livre et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam. Thalitan, تسمية الدعوة التي قام بها الشيخ محمد وهابية نسبة إليه خطأ لغوي، لأن والده لم يقم بها، وإلا لاشترك في هذه النسبة الوالد وأولاده ومحمد واحد منهم لتصبح نسبة مشتركة. Troisièmement, le fait d'appeler cette da'wa qu'a accompli Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, Wahhabia, ça c'est une erreur aussi linguistique. Car son père, il n'a pas appelé cette da'wa. Car c'est le père qui s'appelle Abd al-Wahhab et Cheikh, il s'appelle Mohammed ibn Abd al-Wahhab, le fils d'Abd al-Wahhab. Et son père n'a pas accompli cette da'wa. Ses noms vont être associés à cette appartenance, le père ainsi que ses fils. Et Mohammed, il fait partie, c'est l'un des fils. Rabi'an, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, في دعوته لا يوافق الخوارج الإباضية في آرائهم ولا غيرهم من الفرق التي ذمها علماؤها للسنة منذ نشأت في ديار المسلمين وكتبه ورسائله توضح ذلك. Quatrièmement, dit Cheikh Chouar, Cheikh Mohamed ibn Abd al-Wahhab, rahmatullah alayh, dans sa da'wa est le contraire de la da'wa de l'Khawarij al-Ibadiyya. Il n'est pas d'accord avec eux sur leur opinion. Il n'est pas d'accord avec d'autres groupes qui ont été blâmés par les hommes de science et les hommes de la sunna. Et ces livres sont là pour nous éclairer sur tout ça. Toute da'wa qui a été blâmée par les savants, la da'wa de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, on est loin. Et c'est l'opposé. خامسا أما ما نسب إليه من أمور فسوف آتي بشواهد رأيتم في الوقت متسعا من كلامه وكلام تلاميذه بالتبرئ مما نسب إليه كذبا وزورا، ويقول في كلامه سبحانك يا رب هذا بهتان عظيم، فكيف ينسب للإنسان شيء هو يتبرأ منه. سانكيامو دي الشيخ شوعر، en ce qui concerne les choses qu'on lui attribue, je vais ramener des preuves si on a assez de temps, de ses paroles, de la parole de ses élèves, qui disent à vous tout ce qu'on lui a attribué comme mensonge. Et il dit, chaque fois qu'il anéantit, qu'il dit à vous certaines situations, il dit, سبحانك يا ربي هذا بهتان عظيم gloire à toi seigneur ceci est un énorme mensonge. Comment on peut attribuer à un être humain quelque chose qu'il dise à vous? لكن سوف نستكمل الحوار ولعلنا نجد في هذه المكتبة بحول الله ما يزيل ما علق بالأذهان من شبهة والحكمة ضالة المؤمن. Et nous allons continuer notre débat. Et peut-être nous allons trouver dans cette librairie, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, ce qui va enlever les ambiguïtés qui sont installées dans les esprits. Et la sagesse et la vérité, c'est ce que recherche le croyant. ثم قلت ولعلنا نجد عندكم كتابا تاريخيا عن منطقتكم اسمه تاريخ شمال إفريقيا من تأليف أحد الغربيين في فرنسا واسم المؤلف شارلي أندري جوليان وقد ترجمه إلى اللغة العربية محمد مزالي رئيس وزراء تونس الأسبق والبشير بن سلامة. Et cher Chouara de leur dire, et peut-être nous allons trouver dans un livre chez vous, qui est un livre d'histoire, qui concerne votre région, qui s'appelle l'Histoire d'Afrique du Nord, écrit par le français Charles-André Julien et Mohamed Mzali, l'ancien premier ministre de Tunisie, il Bachir, Ibn Salama l'ont traduit en arabe. Qala Dr Abdullah, Naam, Maujoud. فأحضره وهو ثلاثة أجزاء وباستعراض الفهارس قرأنا في الجزء الثاني عن ممالك الخوارج ومن ضمنها مملكة طهرت التي هي الدولة الرستمية حيث توسع المؤلف في الحديث عن معتقداتها واتساعها ومعالمها الحضارية وتسميتها بالوهابية نسبة إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الذي خالف أهل ملته كما أبان في عشر صفحات بأن هذه الوهابية الرستمية تخالف أهل السنة في المعتقد. Et docteur Abdullah a dit oui, le livre il est là et il l'a ramené. Il se compose de trois tomes. En lisant dans le sommaire, nous avons trouvé dans le deuxième tome le royaume du Khawarij. Et parmi ce royaume, le royaume de Tahart, qui est le pays, l'état Rostomite. Et là, André Julien a écrit quelque chose de très large. Il a beaucoup écrit sur les croyances et sur les signes de civilisation de ce pays Rostomite, de ce royaume de Tahart, et pourquoi il a été appelé le Habia, par appartenance à Abdelhab ibn Abdelrahman ibn Rostom, qui a été en divergence avec les gens de Samilla, avec les gens de l'islam, comme Charles-André Julien l'a démontré sur 10 pages. Il a démontré que si Wahhabia Rostomia, il est en divergence dans ses croyances avec les gens de la Sunna. Thumma qultu wa la'allaka tuhdiru aydan kitab al-Maghrib al-Kabir al-Asr al-Abbasi lid-Doktor Sayyid Abd al-Aziz Salim in kana mawjoudan fi hadhihi al-maktaba. Qala na'am mawjoud thumma ahdara. Et Cheikh Chouar de dire à Docteur Abdullah, tu vas nous ramener le livre, le grand livre. Le livre d'histoire qui s'appelle Al-Maghrib, le grand Maghreb. Mais tu nous rapportes le livre qui concerne l'époque abbasside. Ce livre édité, écrit par Abdelaziz Salem, si tu l'as dans ta bibliothèque. Et le docteur Abdullah, il est ici, il est là, et il l'a rapporté. فقرأنا سويا بعد إحضاره في الجزء الثاني عن الدولة الرستومية في مدينة طهارت بالمغرب. أن عبد الرحمن بن رستم وهو من أصل فارسي عندما أحس بدنو أجله في عام 171 هجرة للهجرة أوصى لسبعة من خيرة رجال الدولة الرستمية ومن بينهم ابنه عبد الوهاب ويزيد بن فندك وقد بويع عبد الوهاب مما ترتب عليه نشوء خلاف بينه وبين ابن فندك. Et cher Chouard, nous avons lu ensemble, quand il a ramené le deuxième tome, nous avons lu ensemble sur l'état rostomite, de la ville de Taharat au Maghreb. Quand Abd al-Rahman ibn Rostom, qui est d'origine perse, quand il a senti que la mort est arrivée en l'an 171 de l'Égir, il a conseillé à Seth de ses des meilleurs de l'état rostomite. Et parmi eux, il a fait le testament pour Seth, parmi les meilleurs hommes de l'état rostomite. Et parmi ces Seth, son fils Abdelwahab, Yazid ibn Fendik. Et l'allégeance a été donnée à Abdelwahab. Et de cette légende a découle une divergence entre lui et Ibn Fendik. وقد انقسمت الإباضية التي هي ديانة ابن رستم ومن معه حيث نقلها من المشرق إلى المغرب إلى فرقتين الوهابية نسبة إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم والنكارية ودارت بين الطرفين معارك ومقاتل تنهزم فيها النكارية إلى أن قتل زعيمها ابن قنديرة وفي حالة ضعف من النكارية انضم إليهم الواصلية المعتزلة إي Cette Ibadiyya s'est divisée. L'Ibadiyya qui était la religion d'Ibn Rostom et ceux qui sont avec. Et il a été transporté de l'Est vers l'Ouest en deux groupes. L'Ouhabiyya par appartenance à Abdelwahab ibn Abdelrahman ibn Rostom. Innakariya. Et il y a eu, entre les deux camps, des grandes guerres. Et Nkari a été battu. Et son leader a été tué, Ibn Qandira. Et quand ils étaient en faiblesse, Nkari, il y a l'Wasili et l'Mu'tazila qui se sont ralliés à eux. ثم قال وقد عزم عبد الوهاب هذا على الحج في آخر حياته إلا أن أتباعه نصحوا بالبقاء في نفوس خوفا عليه من العباسيين. Et Abd al-Wahhab a eu, et après l'écrivain a dit, de cette époque a dit, Abd al-Wahhab a eu l'intention, après la ferme résolution d'aller faire le pèlerinage à la fin de sa vie, mais ses disciples lui ont conseillé de rester à Nfusa par peur des Abbasides qu'ils ne le tuent. ثم قلت ولو رجعنا إلى كتاب ألفريد بيل عن الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح الإسلامي حتى اليوم لوجدناه في موضع آخر يقول الخوارج الوهبيين الذين سموا نسبة إلى عبد الله بن وعب الراسبي الذي قاتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه في النهروان هم خوارج إباضية وعن انقسامهم قال بأن إباضية المغرب في طهارت منهم وهم الذين كانت دولتهم الرستمية في شمال إفريقيا وكانوا أشد الفرق تعصبا وأتباع عبد الوهاب بن رستم الذي سميت فرقته بالوهابية نسبة إليه لما أحدثه في المذهب من تغيرات ومعتقدات وقد تحدث في هذا الأمر قرابة 12 صفحة وأخبر أنهم يكرهون أهل السنة. الشيخ شوعر دو دير Si nous revenions au livre d'Alfred Bell sur les groupes islamiques en Afrique du Nord depuis la conquête jusqu'à nos jours, nous allons trouver dans un autre endroit, il dit الخوارج وهبت الوهبيين ont été appelés ainsi par appartenance à Abdullah ibn Wahb al-Rasibi, le Rasibite, qui a été combattu par Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, pendant la bataille de Nahrawan. Ce sont des Khawarij ibadites. Et il a parlé de leur division. Et il a dit que les ibadites du Maghreb, à Taharat, font partie d'eux. Et c'est eux qui était à la tête de l'État rostomite en Afrique du Nord. Et ils étaient parmi les groupes les plus durs, les plus sectaires. Et les disciples d'Abdelwahab ibn Rostom. Son groupe a été appelé le Wahhabi appartenance à lui. pour les choses qu'il a innovées dans la voie et pour les choses qu'il a innovées dans les croyances. Et Alfred Bell a parlé de ce groupe pendant plus de 12 pages et sur les changements qu'il y a eu dans le Mdhab et dans les croyances, plusieurs 12 pages. Et il a annoncé comme quoi il déteste les gens de la Sunna. ثم قلت من هذا الرصد وغيره في كتب العقائد والسير في تاريخ شمال إفريقيا يبرز أمام طالب الحقيقة ما حرص عليه الكاتبون من تفنيد لمعتقدات خوارج الإباضية الرستميين الذين منهم الوهابيون نسبة إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم منذ خرجت هذه الفرقة في القرن الثاني الهجري حيث أكدت ذلك جميع المصادر. الشيخ محمد شوير de dire partons de là et partons de ces livres dont les qui ont été écrits dans les biographies, dans les croyances et dans l'histoire de l'Afrique du Nord apparaît clairement devant celui qui cherche la vérité comment ces écrivains ont mis tout ce qui est dans leur possibilité pour anéantir le dogme des Khawarij Ibadit Rostomit, qui sont les Wahhabites, qui sont les Wahhabiens, par appartenance à Abdul Wahhab, ibn Abdul Rahman ibn Rostom, depuis que ce groupe a apparu au IIe siècle, comme l'ont confirmé toutes les sources et toutes les données que nous avons. والشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي قام بدعوته للقضاء على الشوائب التي أدخلت على الإسلام في صفائه ونقاوته رغبة منه في تصحيح العقائد وتنقيتها من مداخل الشرك والبدع مثل ما صار من قبله دعاة منهم أحمد بن حنبل في العراق وشيخ الإسلام ابن تيمية في الشام والعز بن عبد السلام في مصر والشاطبي في المغرب والأندلس والأمير الصنعاني في اليمن وغيرهم كلهم وغيرهم من أئمة الإصلاح والتجديد يخالفون ملل الخوارج وما يدعون إليه من معتقدات واعتزال وبدع تخالف ما درج عليه أهل السنة والجماعة وهذا مرصود في كتب الملل والأهواء والنحل. الشيخ محمد بن عبد الوهاب qui a accompli sa da'wa pour anéantir et pour éliminer tout ce qui a été rajouté à l'islam et pour purifier l'islam, hein, par envie de sa part d'authentifier les croyances des gens et de les purifier de toute forme d'associationnisme et de purifier l'islam de toute forme d'innovation, comme l'ont fait des du'at avant lui, comme l'imam Ahmed ibn Hanbal rahmatullah alayhi en Irak, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah au nord de l'Arabie et Shatibi au Maroc et en Andalousie. Et l'Amir Sun'ani, rahmatullahi alayhim, jami'an, au Yémen, et d'autres parmi les imams qui ont œuvré pour rénover et pour éliminer tout ce qui a été rajouté à l'islam comme innovation, et pour appeler les gens vers l'unicité. Et tout cela sont en divergence avec la voie d'Al-Khawarij. Ils sont en divergence avec ce que, avec les croyances d'Al Mu'tazila, ils sont en divergence avec toutes les innovations. Ils combattent toute forme d'innovation. Ils combattent tout ce qui est en divergence avec la voie sur laquelle était leur puiseur, d'Allah alayhim. Et tout ceci, on le trouve dans les livres des groupes à travers l'histoire de l'islam. فحصل بحمد الله الاقتناع خاصة بعد أن تردد اسم الوهابية في مصادرهم التاريخية والعقدية مرارا مع إيضاح نماذج مما يدعون إليه، لكنني أحببت ترسيخ هذا المفهوم عندهم بما لا يدع مجالا للشك ولكي يستفيد منه من يطلع عليه عند تدوينه وفقا لكلام البلاغيين زيادة المبنى زيادة في تمكين المعنى. إيه toute la louange revient à Allah Azza wa Jal, les gens étaient convaincus. Surtout que le nom d'Al-Wahhabiyya a été répété dans les recueils historiques et les recueils des croyances d'Afrique du Nord et d'Andalousie. Et aussi en donnant des éclaircissements sur certains modèles vers lesquels ils appellent, mais j'ai voulu authentifier encore plus cette compréhension chez eux avec des points qui ne laissent pas de doute pour que tous ceux qui vont jeter l'œil sur ce livre et le lire, au moment où il sera édité, ils auront un énorme éclaircissement. Ceci va de pair avec la parole de ceux qui s'occupent d'Al-Balagha. Augmenter la construction, c'est augmenter la définition et ancrer la définition. فقلت ما رأيكم إذا اتسعنا مع المصادر وبرز أمامنا من الحقائق التاريخية زيادة عما ذكر ما يدل على أن علماء بلادكم وحكامها قد اهتموا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عندما حرص آل سعود على نشرها وتبليغها لحكام المسلمين بالمكاتبات وبعث المندوبين اقتداء بأسلافنا في أداء الأمانة وتبليغ ما قاموا من أجله أخذا من قول الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون حيث قام حكام المغرب الأقصى وعلماءه بالتقصي والمحاورة ثم اقتنعوا بسلامة هذه الدعوة. نودي plus en détail pour que les situations et les données historiques vous paraissent encore plus claires. Et ce qui va vous prouver aussi que vos savants, les savants de vos pays, ainsi que vos gouverneurs, ont donné de l'importance à la da'wah de Mohammed ibn Abdelhab. Quant à Al-Saoud, on met tout ce qui est dans leur possibilité pour la propager et pour la transmettre aux gouverneurs de différents pays de l'islam, en leur écrivant et en envoyant des lettres, en prenant comme exemple leurs aïeuls, dans le fait d'accomplir et de transmettre et en mettant en application la parole d'Allah Azza wa Jalla dans Sourate Zukhruf, dans cette traduction approximative qui dit « Ça, c'est une évocation pour toi et à ton peuple, et vous allez être questionné. C'est un rappel pour toi et pour ton peuple, et vous allez être questionné. » Et en plus, les gouverneurs des pays d'Afrique du Nord et du Maroc, surtout du Maroc, et ses savants, sont allés vous rechercher la vérité et ils ont eu des débats et ils étaient convaincus de la sainteté. Ils étaient convaincus de l'aspect saint de la da'wah de Mohammed ibn Abdelwahab, rahmatullahi alayhi. قالوا نعم نريد المزيد بالشيء المفيد المقنع والموثق والموثق. Ils ont dit tous d'accord, nous voulons encore quelque chose de plus qui va nous être bénéfique et qui soit convaincante avec des sources irréfutables. قلت سوف يكون ذلك ان شاء الله. Et Cheikh Chouara de dire ça va être ainsi ان شاء الله. ثم قلت لعلكم تعلمون ان الامام سعود بن عبد العزيز وهو الامام الثالث من الدوله السعوديه الاولى قد بعث بعدما دخل مكه ولعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.